fait, le truc, c'est qu'on t'entend pas. Parce que tu ne transmets pas ton signal. Oui, il faut que tu passes en vert. Voilà. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon. Vas-y, joue quelque chose. Je crois que j'ai entendu une petite note. Là, je vois un signal chez toi. Oui, c'est bon, je t'entends. En fait, ta Panta, si tu veux attaquer celle-là, c'est une... Tu vois qu'on attaque les pantas... Comment t'as appris la Panta, là, sur la 12e case. Au lieu de la faire sur la 12e case, la Panta, tu l'as fait sur la 1, 2, 3, 4, sur la 4e case. Je vais juste te montrer un exemple. Hein. Je vais te faire une Panta sur la 4e case. Regardez, tu l'as. We'll be right back. Talkbox, hein. Thank you. Thank you.